Tant que nos encres se déverseront sur nos feuilles, il nous sera impossible, un seul instant, de nous sentir seuls. Nous retrouverons nos essences, nécessaires et vitales, dans le sens de nos décences, pierres et cruciales. Tant que les nouveaux venus recevront les claques de nos sessions, tant que nous garderons à vue nos espoirs, sans déception. Tant que la récession n'atteindra pas nos plumes, tant que nos émotions se forgeront sur nos enclumes, littéraires, comme toutes nos phases obsolètes, salutaires, comme toutes ces idées fixées dans nos têtes, nous sommes les héritiers des expressions de Molière, nous sommes la langue française incarnée pour certains de la plus belle des manières, poète à vos stylos, à vos rimes incisives, poète à vos carreaux, chaque ligne sera décisive, notre futur s'inscrit dans toutes nos lettres tracées, notre avenir s'écrit dans nos pleins et déliés, nous sommes les troubadours de nos mots et de nos voix, nous parlons même aux sourds de ce que le destin sera. Pour nous pas besoin de représentants, chacun est libre de sa propre parole, que tu sois adulte ou enfant, on ne te passe pas au vitriol. Ne revendique pas ton droit de dire, donne-toi la chance de te l'offrir. Il est ta plus grande liberté puisque ta bouche, personne ne peut la censurer. Ta voix, on peut pas l'enfermer dans un petit carcan blindé. À toi de la faire résonner, à toi de la faire exister. Alors écris, parle, hurle, slam. N'écoute jamais lorsque l'on te dit de te taire. Il n'y a que ceux que tu déranges qui voudraient que tu t'enterres. Toi tu te déterres, des vérités une à une. Tu ne laisses pas faire la guerre du silence dans l'amertume. Toi tu révèles les sens cachés de leurs tabous. Toi tu enlèves les faussetés qui se balancent dans ce monde trop fou. Alors écris, parle, hurle, slam. Crache ton cœur, balance tes tripes et montre enfin ton âme. Tu ne seras peut-être pas le meilleur, mais au moins tu connaîtras le bonheur d'avoir révélé tes pensées et pensé toutes tes plaies qui ne demandent qu'à cicatriser. Assume, assume ta plume, assume tes choix. Dis-toi que ta vie n'appartient qu'à toi. Vis-la et consume-la à 100%. Ce n'est pas quand on est mort qu'il faut se retourner en regrettant. C'est maintenant que tu choisis ce que tu deviendras. Alors écris, si c'est ça qui te fait te sentir bien. L'avenir c'est ce que tu en feras, ce que tu seras, à savoir toi ou rien. Tiens, la tête haute, le torse bombé, tiens. Et dans chacune de tes décisions, n'aie jamais rien à regretter. Vis, comme tu le veux, comme tu l'entends. Vis, et ne laisse jamais se perdre ton temps. Alors écris, parle, hurle, slam. Crache ton cœur, balance tes tripes et montre enfin ton âme. Alors écris, parle, hurle, slam, crache ton cœur, balance tes tripes et montre enfin ton âme. Alors écris, parle, hurle, slam, crache ton cœur, balance tes tripes et montre enfin ton âme. Crache ton cœur, balance tes tripes, crache ton âme.